L'Association nationale des compatriotes coréens aux États-Unis a publié le 27 juin un entretien en ce qui concerne la grande réussite au lancement expérimental de Phason 10, fusée balistique stratégique sol-sol à moyenne et longue portée de la République populaire démocratique de Corée.